Bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons cette semaine en étudiant le chapitre 7. Nous allons y passer la semaine parce que le sujet de Jésus étant sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek est un sujet très important dans l'épître aux Hébreux. Notre Père du ciel, nous allons voir cette semaine pourquoi nous avions besoin d'un sacrificateur spécial, différent des autres sacrificateurs. Et nous allons voir ce qu'il va accomplir, ce qu'il a accompli, quel effet cela a dans notre vie, quel impact cela a sur la loi de Moïse sur le sacerdoce d'Aaron. Mais surtout, nous allons voir ce sacrificateur parfait qui est Jésus. Donc, conduis-nous, encourage-nous, fortifie-nous à ne jamais abandonner ce souverain sacrificateur parfait qui est Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Donc voici le programme de la semaine. Nous allons ce matin résumer ce que nous avons vu jusqu'à date sur Jésus, souverain sacrificateur. Et nous allons regarder deux textes de l'Ancien Testament que nous allons lire ensemble. Et demain et jusqu'à vendredi, nous allons étudier le chapitre 7 pour bien comprendre l'enseignement que l'auteur veut donner à ses lecteurs. Ce matin, ce que nous allons faire, nous allons essayer de devenir, entre guillemets, juif, hébreu. On va essayer de comprendre un petit peu quel impact ça avait eu, cela sur eux, quand l'auteur va leur dire, Jésus est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pour nous autres, ça dit pas beaucoup. Pour certains d'entre nous, ça veut rien dire du tout. J'ai demandé l'autre jour à un groupe de chrétiens, qui ça fait 15, 20, 30 ans qu'ils sont sauvés, qu'est-ce qu'ils savaient de Melchisédek? Et très, très peu de choses qu'ils savaient. Et même un m'a dit, ben, Melchisédek, il me semble, c'était un méchant, ça, dans l'Ancien Testament. Voyez-vous comment, quand, si cet homme-là lit l'Épître aux Hébreux, puis qu'on lui dit que Jésus est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ça fait un bruit négatif, une pensée négative, parce qu'il pense que Melchisédek est un méchant. Donc, nous, on va aller lire quelques textes dans l'Ancien Testament et on va méditer un petit peu là-dessus pour bien comprendre, quand on va arriver au chapitre 7, qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir dire à ses lecteurs. Nous allons commencer par résumer ce que nous avons vu jusqu'à date dans l'Épître aux Hébreux sur le fait que Jésus est un souverain sacrificateur. On va lire, on va regarder trois passages où est-ce que Jésus est appelé souverain sacrificateur et on va ensuite ça regarder ensemble les deux textes de l'Ancien Testament que je vous encouragerai à lire à quelques reprises, si vous voulez bien. Donc, premièrement, nous allons tourner ensemble au chapitre 2, verset 17. En conséquent, il a dû être rendu semblable à toutes choses, à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit, que l'auteur ici fait référence à Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Il a dû devenir un souverain sacrificateur semblable à ses frères, ou je devrais dire plutôt, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça veut dire qu'il a dû devenir humain, il a dû prendre un chair humaine, il a dû s'incarner, il a dû devenir un être humain à 100% afin de pouvoir être un souverain sacrificateur pour eux. Le souverain sacrificateur doit être médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, pour être médiateur entre Dieu, qui est un être divin, spirituel, et sacrificateur entre des hommes qui sont humains, donc lui devait être les deux. Mais ici, il fait mention qu'il a dû devenir un être humain semblable à 100% afin de pouvoir être leur médiateur. Donc, Jésus, le but de son incarnation, c'était d'être un souverain sacrificateur, pas juste un sacrificateur, mais un souverain sacrificateur, afin de pouvoir faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, c'était son rôle. Mais pour jouer ce rôle-là, il devait être rendu semblable à tous les êtres humains comme ils étaient eux-mêmes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, Jésus ne pouvait pas sauver la race humaine, Dieu ne pouvait pas sauver la race humaine sans s'incarner, sans devenir un humain lui-même. Maintenant, nous allons aller lire un autre texte qui nous parle aussi de Jésus souverain sacrificateur. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc ici, c'est le deuxième texte qui suit juste les versets avant qu'on vient de lire. C'est pourquoi, frère, considérez, regardez bien, qui était ce souverain sacrificateur-là? C'était le Fils qui était établi sur toute la maison de Dieu. C'était le Fils de Dieu qui a été établi sur toute la maison de Dieu. Donc, il vient, étant fils de Dieu, ça c'est sa nature, avant l'incarnation, fils de Dieu, donc nature divine, éternelle, comme son Père, et il était établi sur la maison de Dieu. Donc, voici ce souverain sacrificateur. D'un bord, il est humain, de l'autre côté, c'est le fils de Dieu, qui est aussi en charge de toute la maison de Dieu, qui est responsable de toute la maison de Dieu, qui est chef sur toute la maison de Dieu. Tout à l'heure, on a vu que le souverain sacrificateur devait aussi être celui qui expiait les péchés, et maintenant, il est l'autorité ou le directeur ou le chef de la maison en tant que souverain sacrificateur de la foi. Nous avons vu aussi un autre passage. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les yeux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ici, l'auteur dit que le souverain sacrificateur il a traversé les cieux, le Fils de Dieu. Donc, il dit, ayant un tel souverain sacrificateur, demeurons fermes, parce qu'il est spécial, il est plus qu'un souverain sacrificateur comme Aaron. Il a traversé les cieux, puis il est venu sur la terre, en tant que Fils de Dieu, en tant que Jésus qui veut dire Dieu sauve. Il vient s'installer pour être sacrificateur entre Dieu et les hommes. Il dit, au verset 15, ce souverain sacrificateur-là est compatissant, il est miséricordieux parce que il lui aussi a été tenté sans commettre de péché. Donc, il comprend ce que nous avons besoin. Il sait qu'est-ce qui nous est arrivé, mais lui, il n'a pas tombé. Il n'a pas chuté. Et on a vu ensemble. Il ne parle pas aussi de tomber dans l'ivrognerie ou de tomber dans la l'homosexualité ou la pédophilie ou le vol ou le meurtre. Mais tomber dans le sens que les Hébreux étaient en train de vouloir tomber dans le rejet de Dieu, dans l'insoumission à Dieu, dans la désobéissance envers Dieu. Il est sans péché. Sans péché. Et on a vu aussi, la semaine dernière, un autre texte dans le chapitre 5, versets 1 à 9. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il est dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec les larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris, bien qu'il soit le fils, l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Donc, dans ce texte, nous avons vu que Jésus, le souverain sacrificateur comme Aaron, offrait des sacrifices pour les péchés du peuple et aussi pour le leur, parce qu'il aussi était des pécheurs. Mais pas Jésus. Jésus, lui, il est différent. Et c'est là qu'il introduit pour la première fois, le verset 6, selon l'ordre de Melchisédek. Parce que dans la tête des Hébreux, de n'importe quel juif, quand on dit que Jésus pouvait être souverain sacrificateur, c'était quelque chose de contraire à la loi, c'était quelque chose de péché, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Comme beaucoup d'autres hommes dans l'Ancien Testament qui ont voulu devenir souverain sacrificateur sans être de la tribu de Aaron, sans être des Lévites, ils ont été souvent sont morts, ils ont été certains sont devenus lépreux, rejetés, repoussés de Dieu. Tu pouvais pas être un souverain sacrificateur si tu n'étais pas un Lévite. Pourquoi dire que Jésus est un souverain sacrificateur si lui il est de la tribu de Judas? Donc, l'auteur, pour expliquer, pour leur montrer, il leur dit, oui, Jésus peut être un souverain sacrificateur, parce qu'il n'est pas un souverain sacrificateur selon Aaron, mais selon Melchisédek. Et là, Jésus va démontrer, dans le restant de la semaine qui va venir, pas Jésus, mais l'auteur va démontrer que les deux textes de l'Ancien Testament qui parlent de Melchisédek, démontrait qu'il devait y avoir un autre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui viendrait. C'était, si on comprend bien, les deux seuls textes de l'Ancien Testament qui parlent de Melchisédek, il préfigurait, il annonçait, il prophétisait la venue d'un autre Melchisédek. Et l'auteur ici dit que Jésus est ce Melchisédek qui devait venir. Pour nous, Ça nous dit rien parce qu'on ne connaît pas souvent bien les textes de l'Ancien Testament. Il va démontrer dans les autres jours qui viennent qu'un sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, est supérieur à un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et j'aimerais qu'on puisse lire les deux textes de l'Ancien Testament seulement, et je vous encouragerai à les lire à quelques reprises aujourd'hui, les deux textes. Et si vous avez le temps, lisez-les en tenant compte un petit peu du contexte, peut-être lire un chapitre au complet avant et après. Et l'autre texte est un psaume, donc juste le psaume 110 qu'on va lire aussi. Donc, premièrement, nous allons lire Genèse chapitre 14, versets 18 à 24. Et ensuite, ça, je vais enchaîner avec le psaume 110. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chafé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Dans ce texte ici, on voit Melchisédek qui est introduit. Donc, Melchisédek, avant que Aaron soit né, bien avant, parce qu'Abraham est bien avant Moïse, c'est le père d'Israël, le père des Hébreux. Donc, Abraham rencontre Melchisédek, qui est un roi. Roi de Salem, mais est aussi un sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc, avant que Dieu ait choisi Abraham pour faire son peuple, il y avait déjà un homme du nom de Melchisédek qui était roi et qui était aussi sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham par le Dieu Très-Haut. Maître du ciel et de la terre. Abraham, suite à cette bénédiction, il va donner à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il a rapporté par la guerre qu'il a faite dans le contexte de la guerre. Donc, je vous encourage à lire un peu plus que juste ces versets-là, de lire tout le verset, le chapitre 14. Nous allons aussi le lire, si vous voulez bien, le psaume 110. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce sa justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Donc, ici, David part, puis il dit, l'Éternel a dit à mon Seigneur. Donc, le Seigneur ici, c'est l'Éternel parle à mon Seigneur, le Seigneur de David. Donc, on sait qu'il parle de Jésus. Verset 4, il fait une promesse, il jure qu'il va être sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Je vais juste vous donner un espace-temps ici. Melchisédek, avec Abraham, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'années avant. Aaron est en place. Les souverains sacrificateurs sont en place. Les Lévites sont en place. Mais ici, après l'institution du sacerdoce d'Aaron, il y a une autre promesse qui est faite, qu'il va venir, le Seigneur à qui l'Éternel parle, il va être sacrificateur selon Melchisédek. Donc, on a Melchisédek avec Abraham, Aaron au temps qui vient avec Moïse, David vient bien longtemps après, et là, au temps de David, on promet que le Seigneur de David va devenir un roi, un sacrificateur selon Melchisédek. Donc, pourquoi est-ce qu'il parlait de Melchisédek après Aaron? Parce qu'il va en avoir un autre qui va venir de un autre sacrificateur selon Melchisédek. Donc, je vous encourage à relire ce psaume, relire le Genèse 14 à quelques reprises, et demain, nous allons voir comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux va prendre ces deux textes-là pour démontrer aux chrétiens hébreux qu'il n'est pas intelligent de retourner en arrière. Que même là, écrit de l'Ancien Testament, disait qu'il devait venir quelqu'un d'autre de l'ordre de Melchisédek et que ce serait mieux, ce serait supérieur. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait voir ces quelques textes qui nous fait la promesse que le Seigneur de David, que nous connaissons sous le nom de Jésus, notre Seigneur, va être un sacrificateur ou un souverain sacrificateur parfait selon l'ordre de Melchisédek. Aide-nous à bien comprendre ces textes afin de te glorifier et de rester attaché à lui. Amen.